retrouve au pays. C'est d'un pas léger que je me dirige chez moi. J'avais peur que tout me soit étrange, mais rien me semble changer. C'est bon d'ouvrir les grilles de sa maison. Je comprends, oui, que je n'ai fait qu'un réveil. S'il est trop tard pour partir ce soir, demain, par le froid.